L'évangélisation du monde préoccupe le Seigneur et il interroge: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Une émission qui nous instruit et nous encourage à l'évangélisation, produite par la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Qui enverrai-je? Pour porter au mon flambeau. Qui enverrai-je? Est-ce que Dieu peut-il compter sur toi? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dit le Seigneur. Pour porter au mon flambeau. Oui. Oui, c'est l'heure de répondre le roi. Soyez bénis, auditeurs, auditrices de Qui enverrai-je. Nous sommes dans la rubrique « Je suis avec vous tous les jours ». Je suis avec vous tous les jours, cette parole prononcée par le Seigneur à notre endroit, à notre endroit. Et nous avons commencé la dernière fois, nous étions avec la sœur Zélie Yvette. Et aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième sous-thème. Le deuxième sous-thème. Président, quel est le thème? Le thème d'aujourd'hui, c'est « Une fête amère ». Une fête. Ouais. La fête, normalement, ouais. C'est une occasion de réjouissance. Ouais. Une fête qui peut devenir très, très amère. Absolument. OK. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, asseyez-vous bien parce qu'on va savoir de quoi il s'agit. Une fête amère. Mm-hmm. Alors, président, on va saluer qui on peut saluer aujourd'hui avant de commencer. Je vais saluer les Miss. Les Miss. Ah oui, ça peut paraître bizarre. Miss Côte d'Ivoire. Miss régionale, Miss Ditri, Miss Céder. Vous savez, il y a quelqu'un qui crie. Et les gens là aussi, ils exagèrent. Non, on n'exagère pas. Jean 3, 16 dit: Dieu a tellement aimé les Miss qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ, afin que si les Miss croient en lui, qu'elles ne périssent pas, qu'elle ait la vie éternelle. Donc je veux saluer toutes nos soeurs, nos jeunes soeurs qui font le concours des Miss et tout. Je crois qu'elles ont aussi leur place au paradis. Au paradis, si on voit des belles créatures, ça ne va pas déranger Dieu, puisque c'est lui-même qui les a créés. Dieu ne crée jamais quelqu'un pour l'envoyer en enfer. Donc, les Miss, soyez salués. Amen. Nous répondons pour les Miss. Regarde, il y a qui a dit, et les bagnons. Bon, il les salue aussi. D'accord, président. Donc, une fête amère, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On va lire d'abord le livre de Esther, chapitre 1, verset 10 au verset 22. Esther, chapitre 1. Verset 10 à 22 avec la sœur Yvette. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcas, les sept eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karchena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérez, Marsena, Memoukan, sept princes de Perse et de Médie, qui voyait la face du roi et qui occupait le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memoukan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on emmène en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Verset 22, il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Amen. Amen. Voilà. Le texte, il est un peu long, mais j'ai tenu à ce qu'il soit complètement lu parce qu'on va l'exploiter de fond en comble pour élucider, pour expliquer le thème qui est une fête amère. Je rappelle que cette rubrique qui s'intitule « Je suis avec vous tous les jours » est une rubrique pour encourager les frères et sœurs afin de continuer l'œuvre à laquelle le Seigneur les a associés, les a appelés. Cette œuvre-là, elle est bonne, elle est glorieuse, mais elle est souvent délicate et compliquée. Et en la matière, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Une fête amère, c'est l'histoire de Artaxerxès ou encore Assuérus dans certaines versions, qui était un grand roi, qui régnait sur plusieurs nations jusqu'en Inde, en Afrique. À l'époque, c'était vraiment une très grande autorité. Et quand il a vu qu'il avait un pouvoir militaire et puis économique assez costaud, il a décidé de magnifier son règne. Et il a appelé ses amis les plus proches, avec les gouverneurs, les responsables des différents territoires qu'ils gouvernaient. Et ils ont festoyé pendant 180 jours. Waouh! Oui, je vous assure. 180 jours, ça fait pratiquement, je crois, si je ne me trompe, 6 mois. 6 mois, 180 jours. C'est pas petit, hein, c'est dit, tu manges seulement. Tu manges, tu bois, tu dors, tu vas pas au champ, tu es à l'aise, vous riez, vous mangez seulement 180 jours. Mais surtout les 7 derniers jours de la fête, là c'est tout le monde quoi. Le roi a décidé que tout son royaume, la chose qui était encore plus forte, c'est que le roi a demandé à ce que chacun soit servi à la convenance de sa volonté. J'ai entendu quelqu'un crier, a bouffé des... Oui, ils ont bouffé même. Ce que tu veux manger, on te donne à manger. Le roi a sorti aussi ses ustensiles en or et des valeurs. Et pendant que le roi et ses amis étaient en train de manger, c'était, vous savez, la fête, c'est la joie, la boisson, les danses, les chants. Mais de l'autre côté aussi, les femmes, la reine Vasti, et puis d'autres avec ses amis, avec les premières dames des différents territoires, étaient en train de fêter. Et pendant les 7 derniers jours, c'était la fête dans tout le royaume, partout. Les gens fêtaient, ils mangeaient, ils dansaient. Et le roi, le 7e jour, qui était le dernier jour de la fête d'ailleurs, qui était un jour où il avait tellement bu qu'il a décidé de présenter sa femme à tous ses amis. Il a montré, après avoir montré tout son succès, tous ses effets qui manifestent sa gloire, sa réussite, il a décidé de montrer la beauté de sa femme. Et puis il a appelé il a envoyé ses gardes, ses eunuques, pour aller dire, dites à la reine de venir, il faut que je montre à tout le monde qu'elle est très belle, et qu'en dehors d'elle, il n'y a pas de beauté pareille. Et donc, ils sont allés chercher la reine, elle a vu en cela une foutaise. Elle dit, quoi? Donc le roi me prend comme un objet, quoi. Un objet de décoration qui est là, alors qu'elle était avec les autres. Ben écoutez, dans la vie, c'est toujours comme ça. Il y a des mois, les gens vont vous prendre comme un objet de décoration. Ils vont vous ranger au titre des effets qui sont là comme ça, sans valeur, sans importance, quel que soit ce que vous puissiez faire pour eux. Et malheureusement, dans l'église, quelquefois, c'est comme ça. Quand vous êtes là, vous avez l'air d'être important, mais pour eux, vous n'êtes qu'un objet de décoration. C'est-à-dire que le jour que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, un point, un trait, c'est tout. Mais vous êtes là, vous les aidez à meubler le temps, à faire effet de beauté, c'est tout. C'est pas que vous êtes indispensable, c'est pas qu'ils vous trouvent assez de valeur. Et c'est comme ça que l'Église est. Par exemple, ceux qui financent souvent l'œuvre de Dieu, quand quand vous avez de l'argent, tout le monde chante votre nom, en trouve que vous êtes le plus beau, vous êtes le plus intelligent, vous êtes assez spirituel. Le jour où vous avez une difficulté, ne serait-ce qu'on vous attrape pour vous mettre en prison, même si vous avez raison, ils ne chercheront pas à comprendre, ils vont vous classer, comme on le dit. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre aux oubliettes. Chacun, à son niveau, quelquefois, est pris comme un objet. Et la reine, elle a refusé que la situation soit pareille pour elle. Elle dit, c'est terminé. Que le roi ne peut pas me mettre au même titre que ses effets de décoration, quelle que soit ma beauté. Je revendique mon indépendance. Mais il y a des revendications qui coûtent cher. Je crois que c'est ce jour-là que les femmes, certainement, ont commencé à demander l'émancipation des femmes. À revendiquer. N'est-ce pas, Yvette? À tort ou à cri. Certainement. Mais si vous revendiquez l'émancipation, soyez prête à assumer votre indépendance. Quand ça s'est passé, le roi a vu dans le refus de Vasti un affront, une humiliation. Oh, le roi a fait ça aussi parce qu'il était très ivre. Et les autres, les kbakbatos qui étaient là, en fait. Bon, je salue tous les frères européens occidentaux qui nous écoutent. En Côte d'Ivoire, quand on dit kbakbato, c'est les gens qui sont propres à rapporter les faits qui ne les concernent pas et qui sont surtout forts à agrémenter pour qu'un désastre suive la situation. Donc, les kbakbatos qui étaient là, le roi leur a demandé conseil. Mais les gars, comment on fait? Ils ont dit, oh non, roi, non, roi. En dehors des poètes, quoi, non, roi, celle-là, c'est pas ce qu'elle a fait, roi, c'est pas contre toi seul, c'est contre tous les hommes du royaume. Oh, roi, vas-tu la laisser comme ça? Nous, les hommes, nous serons humiliés, nous n'aurons plus d'autorité. Roi, nous devons montrer que c'est nous les hommes, on doit agir de façon vigoureuse. Le roi, avec toute la frustration qu'il a subie, il a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, ben, il faut prendre un décret. Il faut que le décret soit publié dans toutes les langues pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Les femmes doivent respect inconditionnel à leur époux. Et à commencer par Vasti, tu n'es plus reine ici, c'est terminé. Allez, mettez-la aux oubliettes. Ça, vous voyez, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est une fête amère. Ils ont passé 180 jours à fêter. Le septième jour, c'est tout l'empire qui a fêté. Mais le dernier jour de la fête, à la dernière heure, la fête s'est transformée pour Vasti en un désastre, en une situation regrettable. Mais elle n'a rien fait de mal. Elle n'a fait que demander à ce qu'elle soit considérée avec un plus de dignité humaine, parce qu'elle est un être humain. Ce n'est pas parce que quelqu'un est une femme qu'elle n'a pas de valeur. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup. J'ai dit que cette rubrique, c'est pour encourager. Je vais parler surtout aux femmes évangélistes qui sont parmi nous, qui travaillent à l'œuvre de Dieu. En général, quand vous travaillez jusqu'à un certain degré, les gens vous cautionnent et vous acceptent. Mais quand votre épanouissement véritable arrive, ça devient des attaques. C'est maintenant que beaucoup vont trouver que non, la femme ne doit pas prêcher. L'apôtre Paul a dit que les femmes n'ont qu'à se taire à la maison. Mais quand il s'agit de demander de l'argent aux femmes, on ne leur demande pas de se taire. Mais c'est ça l'église. Mais c'est le même apôtre Paul qui dit il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de juifs. Vous n'avez pas remarqué que dans les choses de Dieu, il y a plus de femmes que les hommes? Vous n'avez pas remarqué que quelquefois même, c'est les femmes qui ont beaucoup plus de dons, de talents? Tout ce potentiel de dons et de talents doit-il être éteint? Et on trouve rarement des gens pour encourager les femmes au ministère. En matière d'évangélisation, il ne faut jamais oublier que les premières personnes qui ont été portées la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ sont bel et bien les femmes. Et les hommes qui revendiquent leur droit de pouvoir travailler ou bien évangéliser, comment ils font quoi? On a vu des femmes qui ont fait des grands... Il y a des grands serviteurs de Dieu comme Benny Hinn et puis d'autres qui sont sortis par le ministère des femmes comme Catherine Kuhlmann. Alors donc, moi je vais dire aux uns aux autres que je crois que Jésus nous a mis dans un élan de fête. Il ne faut pas rendre la fête des gens amère. Il ne faut pas y mettre des ingrédients qui vont venir ternir la saveur de la fête. C'est pas intéressant, c'est pas du tout bon. Et il faut constater aussi que il y a des expressions de liberté qui coûtent cher. Et dans le ministère, vous pouvez être dans une église, vous pouvez travailler pour un pasteur jusqu'à ce que vous sentiez votre maturité. Vous allez utiliser toute la formule de sagesse et de politesse possible pour dire, bon papa, maintenant que je pense que je peux un peu voler de mes propres ailes, je ne demande pas de séparation, mais je demande simplement à ce que tu me donnes la capacité d'aller continuer l'œuvre. Ça va devenir palable. Ça va devenir la guerre. Ça a devenu des histoires. Non, il n'a pas demandé à ce que l'œuvre soit divisée. Le travail est grand. Jésus a dit, on va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'une seule personne peut faire tout le travail? Si Dieu t'a donné la grâce de former des gens, quand c'est le temps pour eux de partir, si tu es convaincu par le Saint-Esprit, il faut qu'ils partent. Laisse-les partir avec la bénédiction. Encourage-les, soutiens-les et donne-leur même les moyens matériels et financiers pour pouvoir s'installer. C'est l'œuvre de Dieu qui s'épanouit. Malheureusement, il y a beaucoup qui ont servi sous d'autres. Et au moment où ils doivent partir, ça devient amer, ça devient compliqué, ça devient des palabres inutiles. À la fin, quand on demande au leader, mais il t'a fait quoi? Il a dit quoi? Tout ce que le leader explique, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien d'étrange. Il n'y a rien de mauvais. Parce que simplement, le frère a dit, bon, ben écoute, je pense que maintenant, je voudrais continuer le ministère dans telle contrée ou bien dans tel autre espace. Ça devient un problème. Et tout ce qui était joie va finir par s'engloutir dans des rancœurs, dans des rancunes, dans des humiliations. Et les prédications des uns et des autres vont se transformer maintenant en règlement de compte. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je veux dire aux frères et aux sœurs qui ont subi ce genre de situation, ben écoutez, ces choses-là, Dieu les savait, il savait que ça allait vous arriver, mais en même temps, Dieu vous encourage. Jésus a dit, si lui qui est le bois vert, il est persécuté, a fortiori, nous qui sommes les bois secs, nous serons encore plus persécutés. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas abandonner. J'ai vu dans le texte aussi que le décret, d'abord, avant de parler du décret, les gens qui ont aidé le roi à prendre sa mauvaise décision, là, c'était les mages. Vous savez, les mages, à cette époque-là, c'était les sages. Mais les mages aussi, c'est les magiciens. C'est les gens qui ne veulent pas le bonheur du roi. Parce qu'après, quand le roi s'est senti seul, eux tous, quelle que soit leur beauté, ils ne pouvaient pas remplacer Vashti. Et eux, après, ils sont rentrés chez eux tranquillement avec leur épouse. Or, comme le roi, en tant qu'autorité, à cette époque-là, quand il dit quelque chose, il n'a pas lui-même la capacité de se dédire. Il était coincé. Même si ça a arrangé Esther après, ben écoutez, le roi lui-même, ça a été un problème pour lui. Il y a des gens qui sont là, qui jouent les conseillers, mais des destructeurs des missions, des visions. Il y a beaucoup de jeunes, moi j'ai la certitude que s'ils avaient trouvé les conseils qu'il faut, aujourd'hui ils seraient à un certain niveau du ministère. Ils seraient avancés dans l'œuvre de Dieu. Ils allaient progresser. Mais parce que sur le chemin, malheureusement, soit le pasteur principal a eu des mauvais conseillers, ils ont cassé le jeune homme. Et aujourd'hui, ils se réjouissent de ce que ce jeune homme-là soit en train de tourner dans la rue, bien retourner à ce qu'il a vomi, c'est-à-dire il est redevenu païen. Mais vous, les conseillers, là, quel type de conseil vous donnez aux gens? Quel type d'encouragement vous donnez aux gens? Malheureusement, l'Église, en tant que corps de Christ, c'est la seule armée qui bouffe elle-même ses soldats. On n'a jamais vu ça ailleurs. Une maison qui est divisée en elle-même ne peut pas résister. Nous avons déjà la responsabilité de combattre contre le diable. C'est un combat tellement féroce et difficile si nous devons maintenant nous combattre entre nous-mêmes. C'est, en Côte d'Ivoire, par exemple, le corps de Christ, regardez toutes les divisions qu'il y a. Les grandes communautés sont divisées. En leur sein, il y a des divisions. Division dans division. Et puis on dit non, que vraiment, on veut gagner la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et ce qui est dramatique, c'est de voir que beaucoup de cheveux blancs, bon Didier, toi tu as des cheveux blancs, mais c'est pas toi. Beaucoup d'anciens, voilà, c'est ce que je voulais dire. Beaucoup d'anciens sont à la base des mauvais conseils qui sont donnés. Soit on vient dire au pasteur, au leader qui est là, que ah, tu as laissé l'enfant là. Donc lui va montrer que lui, il est plus loin que toi, quoi. Que lui, il a commencé le ministère quand? C'est pas toi qui as prié pour lui ici et puis lui, il a eu la grâce de Dieu. Non, s'il y a un problème, je pense que dans la prière et avec des conseils avisés, on peut aider les gens. Les gens qui ont donné les mauvais conseils au roi ici, c'est des soi-disant sages. C'était des mages. Bon, c'est, en réalité, ils se présentaient pour des sages, mais c'est des sorciers qui ne veulent pas que l'œuvre de Dieu avance. Et moi, ma prière, c'est que Dieu dévoile cela, qu'ils soient délivrés. On ne prie pas pour leur mort, mais qu'ils soient délivrés, pour qu'ils voient que Dieu est un Dieu qui est bon. Et nous, à l'image de Dieu, on doit aussi aider les autres. Parce qu'ils ont transformé la vie de plusieurs en amertume, en désastre, en désolation. Et il y en a qui tournent en rond aujourd'hui à cause des mauvais conseils de ces personnes-là. Il y a aussi que quand la décision du roi est tombée, elle est tombée dans toutes les langues. Dans toutes les langues de l'Empire. Vous voyez, une fête qui a bien commencé, ça finit par une décision qui tombe dans toutes les langues. Quand Satan décide de détruire ton ministère, c'est dans tous les horizons, toutes les langues, partout où les gens peuvent avoir connaissance de ce que tu as commis comme erreur ou bien comme situation qui peut bloquer ton ministère, ça va partir partout. Regardez que souvent vous pouvez travailler pour Dieu, vous ne trouvez pas des gens pour vous encourager. Mais le jour qu'ils apprennent que l'homme de Dieu a volé l'argent, ça va à tout. Depuis que vous luttez, votre nom n'est jamais sorti. Mais c'est ça, Didier. Une fête amère. Une fête, c'est normalement un moment de joie, de réjouissance, d'allégresse, un moment de danse, de chant. Mais beaucoup de fêtes, beaucoup de vies qui étaient comme des fêtes sont devenues aujourd'hui amères. Quelquefois, il y a des bons évangélistes qui ont bien commencé, qui, oh mon Dieu, même retournés dans le monde, ils ont encore l'onction de Dieu sur, parce que leur vie est devenue amère. Un échec est venu passer par là. Des mauvais conseillers sont venus passer par là. Les attaques de Satan sont venues passer par là. Mais je dis, Jésus t'a dit, et il a dit aux apôtres, les apôtres avaient des doutes. Mais là, il a dit, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus a tout pouvoir pour restaurer tous ceux qui sont aujourd'hui abattus et découragés. Il a le pouvoir. Les fêtes qui se sont terminées aujourd'hui, les fêtes où il manque de joie aujourd'hui, les fêtes où il n'y a plus de saveur aujourd'hui, Jésus peut. C'est lui, au moment des mariages, des noces de Cana, quand le vin est fini, c'est lui qui a donné du vin nouveau et de meilleure qualité. Je veux dire à quelqu'un, une soeur ou un frère qui continue d'aller à l'église, mais qui en réalité n'est plus que l'homme de lui-même ou bien d'elle-même, Jésus peut changer la donne, il peut changer. Le vin nouveau, il est meilleur. Je crois que Dieu prépare pour toi un nouveau vin. Mais tu as besoin de te ressaisir, tu as besoin de revenir, quels que soient les décrets de Satan. Jésus dit, je suis venu pour libérer les captifs. La captivité rend notre vie amère. Et Dieu peut nous libérer de toutes ces captivités-là. Vous savez, il peut vous arriver de travailler pour Dieu, de vous disposer pour l'œuvre de Dieu. Et c'est les enfants de Dieu même qui vous engloutissent. Mais Jésus peut vous sortir de ce trou-là. Il peut vous ressusciter. Je crois qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Je veux encourager les frères. Je veux les encourager à ne jamais baisser les bras. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et tant que Jésus est ressuscité, la victoire est possible. Jésus n'a jamais dit qu'on n'aura pas de problème. Mais malgré les problèmes, il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des jours. Tu n'as pas encore fini tes jours. Regardez, un match de football, ça se joue sur 90 minutes, mes frères. Même quelquefois, malgré les 90 minutes qui sont épuisées, il y a des arrêts de jeu. Et c'est dans les arrêts de jeu qu'il y a certaines victoires qui s'obtiennent. Peut-être qu'il est dans un arrêt de jeu. Ça dit que c'est vrai. Tu es au seuil de ta vie, maintenant tu es auprès de la mort. Ou bien la maladie t'a paralysé, tu ne peux plus évangéliser comme avant. Mais même si ton lit est malade, je vais te dire que Jésus peut faire quelque chose. Jésus peut le faire. Il a fait pour le fils de la veuve de Naïn. Elle n'était même pas au seuil de sa vie. Lui n'était même pas au seuil de sa vie. Il était dans la mort. C'était le jour de son enterrement. Mais l'enterrement a été transformé par un miracle. Jésus peut le faire. Amen. Ma prière, c'est que toutes les fêtes qui sont devenues amères, tous les ministères qui sont été aujourd'hui, que le Seigneur, par sa puissance et sa grâce, répande l'onction de la résurrection partout. Les frères, les soeurs, ne découragez pas. Quelquefois, les gens voient les grands ministères, l'avion, le bateau. Demandez-leur comment ils ont fait. Ceux qui sont cessés, ils vont vous dire par quelle galère ils sont passés. Il y a des témoignages que moi, je ne rendrai jamais à la radio. Ce n'est pas intéressant. Où j'ai marché jusqu'à ma paix de soulever ses percées. On dit, adorons le Seigneur, il ne peut pas me mettre à genoux. Si il me met à genoux, ils vont voir que la paix de soulever de l'homme de Dieu est percée. Mais il faut nous voir marcher en train d'évangéliser. Jésus est puissant, il fait des miracles. Et ta paix de soulever, c'était amer. Incapable d'avoir une paix. Mais Jésus a changé la situation. Amen. Jésus peut changer pour toi. Et je prie que sa puissance descende sur toi pour changer. Amen. Les soeurs qui ont été humiliées parce que vous avez prophétisé ou bien. Ne découragez pas les humiliations. C'est quand tu es humilié que ta gloire qui vient là est plus éclatante. Faut pas désespérer. Et le Seigneur fera tout. Il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des jours. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Merci au président Zamblé Simon. Merci à la sœur Yvette Zélie. Merci à notre réalisateur Yao Emmanuel. Bien-aimé dans le Seigneur, si ces émissions au fond ont dit bien, vous pouvez nous appeler au 07 50 66 40 07 50 66 40 pour échanger avec nous. Vous pouvez également passer la commande, on sait jamais. Visitez également notre page Facebook, c'est Cellule Classique. Cellule Classique, vous tapez Cellule Classique et comme ça vous pourrez visiter notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je tiens ta main, amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe, tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. La cellule d'évangélisation classique vous a proposé Qui enverrai-je? Si vous désirez garder le contact avec nous, appelez tout simplement le 04 81 57 66 ou au 23 51 59 55. Vous pouvez nous rendre visite à notre siège situé à Yopougon-Trois-Rouges en face de la pharmacie Eben. Site web www.cec-6muc.org.